Impossible de vivre sans ton visage. Je n'y pense même pas. Dis-moi ce que j'aurais fait si t'étais pas là. Je serais sûrement pas celle que je suis. Les gens disent que je te ressemble. Je t'arrive même pas à la cheville. C'est important les liens du sang. Je ne pourrais jamais te voir partir. Non, non, non, non. Et si je pouvais, je te donnerais ma vie pour que tu vives encore 100 ans. My darling, I love you. Pourquoi je donnerais, tout. My darling, I love you. Pourquoi je donnerais, tout. Pour toi, mama, c'est pour toi, mama. Pour toi, mama, c'est pour toi, mama. Papa, t'es l'homme fort, t'es l'homme digne. T'es la moitié de moi, je suis la tornade, t'es la force tranquille. Toi, tu ne parles pas, y'a qu'avec ton regard que je comprends. Tu t'inquiètes pour moi, mais ne t'en fais pas, ta vie est une battante. Je ne pourrai jamais te voir partir. Non, non, non, non. Et si je pouvais, je te donnerais ma vie pour que tu vives encore 100 ans. Oh papi, I love you. Pour toi, je donnerais, tout. Oh papi, I love you. Pour toi, je donnerais, tout. Pour toi, papa, c'est pour toi, papa. Pour toi, papa, c'est pour toi, papa. Pour toi, mama, c'est pour toi, mama. Pour toi, mama, c'est pour toi, mama. Si tu n'avais pas été là, dis-moi ce que j'aurais fait. Ah, toi, sans moi, ça n'existe pas et ça, tu le sais. Demande-moi ce que tu veux, pour toi, je le ferai. Tu n'avais pas été là, dis-moi ce que j'aurais fait. J'aurais fait ah. Jamais sans toi, jamais sans toi, jamais sans toi, jamais sans toi, jamais sans toi, jamais sans toi, jamais sans toi, jamais sans toi, jamais sans toi, jamais sans toi, jamais.